Du coup, nous, les gilets jaunes, voilà, quand 13e mois, 14e mois, 15e mois, 16e mois, on les rince, les flics, il n'y a pas de problème. Mais du coup, en prison, comment ça se fait? Comment ils prennent l'argent? Parce que même quand tu travailles en prison, tu gagnes 10 centimes de l'heure, ou c'est peut-être pas 10 centimes, mais peut-être 12 centimes, je ne sais plus. C'est pas BZF, mais comment du coup ils font pour se payer? Ben, ils passent par le même endroit. Ils passent par le fonds d'aide aux victimes. D'accord. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, en gros, il y a deux. Pour des incidents disciplinaires à l'intérieur de la détention, ce qui est appelé des incidents disciplinaires, il y a plusieurs manières de traiter le truc par l'administration. L'administration, elle le traite soit de manière juste, interne, soit, et donc ça, ça se passe comme ça, il y en a tous les jours, c'est des comptes rendus d'incidents qui donnent lieu à un passage au prétoire, qui est le petit tribunal interne en prison, où tu es jugé par les gens qui t'accusent, par ailleurs, et ils te filent une peine, soit des interdictions à l'intérieur de la détention, soit de partir des jours de mitard, tu vois, de cachot. Mais ça, c'est la première étape. Et après, il se peut qu'il y ait aussi, et ça, il y en a de plus en plus, qui sont poussés, c'est des matons qui sont poussés vachement aussi par leurs organisations syndicales, qui sont en train de prendre un virage véritablement fasciste les dernières années. Il y a toujours eu des matons racistes et des matons fachos, mais là, il y a une espèce de durcissement aussi à l'intérieur. Avec des organisations syndicales hyper vénères, mais comme les syndicats de flics à l'extérieur deviennent une vraie force, une vraie milice autonome aussi, qui essaye de défendre ses intérêts très très fort et qui les pousse très fort, comme c'est arrivé plein de fois, mais en ce moment on le voit beaucoup, et bien là en prison c'est pareil quoi. Du coup, ils sont poussés par les syndicats et du coup, les matons ou les matones individuellement portent plainte. Du coup, ça part au tribunal du coin. Ce qui arrange souvent les petits tribunaux, parce qu'il y a plein de tribunaux en France qui sont menacés de fermeture, etc. Et du coup, des tribunaux de villes moyennes, de petites villes en France, sont contents parce que ça fait aussi du chiffre. Et ça fait que ça fait tourner la machine pénale locale. Et ça fait qu'on ne va pas fermer leur tribunal. Donc, eux aussi encouragent pas mal à ce qu'il y ait des plaintes systématiques. Et du coup, quand il y a une prison construite à un endroit, on sait que là, c'est le cas en ce moment. Il y a plein de constructions de prisons qui sont annoncées. Bah, en fait, à côté de ça, tu as aussi le petit tribunal du coin qui commence à se frotter les mains en disant « Ah, mais c'est pas mal, en fait, du coup, nous, on va pouvoir aussi avoir, par cet endroit-là, des plaintes qui vont être posées. » C'est une machine, hein, c'est une machine à produire de la peine et à punir. Et du coup, bah, ils vont au tribunal. Et en général, les matons sont même pas là. Ils sont vaguement représentés par des avocats qui sont souvent les mêmes qui bossent pour toutes leurs organisations syndicales. Et puis du coup, automatiquement, les peines, elles tombent. C'est soit de la comparution, soit c'est en comparution immédiate, soit sur des affaires. Voilà. Il arrive que les prisonniers ou prisonnières soient extraits, c'est-à-dire qu'ils soient au tribunal. Parfois, ils y sont même pas. Mais du coup, ça tombe. Et après, c'est prélevé, c'est payé par le fonds d'aide aux victimes, exactement comme à l'extérieur. Et après, c'est des dettes. Après, c'est des dettes pour les gens qui sont à l'intérieur, parce qu'évidemment, tu peux pas payer ça. Mais après, on t'incite à rembourser ce fonds d'aide aux victimes, en tant que prisonnier à l'intérieur, pour obtenir tes aménagements de peine, tu vois. Et ça fait partie aussi du durcissement des dernières années, où les peines sont de moins en moins aménagées. Ça, c'est hyper important à dire, en fait, contrairement à ce que beaucoup de petits fascistes en vogue là en ce moment arrêtent pas de répéter dès qu'ils ont l'occasion de le dire en disant les gens font pas leur peine, les gens sortent, etc. Et tout, c'est vrai, c'est faux, et ça n'a jamais été aussi faux. En fait, là, les gens qui prennent des grosses peines, ils font des grosses peines, les gens qui font des petites peines, elles sont pas aménagées, elles sont de moins en moins aménagées, parce que c'est un jugement qui se poursuit tout au long de la détention. En fait, avant t'étais jugé et puis après, bon bah, t'avais une date. Là, ces dates, elles sont repoussées au calendrier, il n'y a pas d'aménagement. Et parmi les raisons pour obtenir des aménagements, dans l'autre sens, c'est rembourse ton truc. Mets de l'argent pour rembourser le fonds d'autorité. Voilà, essaye ta famille et fais payer tes proches qui bossent dehors pour te faire payer, pour t'aider à payer le truc. Et du coup, évidemment, bah ouais, c'est la spirale de la misère. La prison enferme la misère et, bah, du coup, et elle génère évidemment de la misère encore plus pour les gens qui sont enfermés. Je veux bien rajouter quelque chose à ta question. J'ai envie de donner un exemple, quoi. Il y a Fabrice Borromée. Fabrice Borromée, il est guadeloupéen, il vole des voitures en Guadeloupe, et il prend 8 ans. Et on lui dit, bah écoute, tu vas faire ta peine en métropole. Donc il se retrouve en métropole, mais en métropole, moi je suis loin de mes proches, enfin, toute ma famille, tous les gens que je connais sont en Guadeloupe, en fait. Donc il demande à être approché, enfin à retourner, et on lui dit, non, enfin, on l'écoute même pas, en fait, à vrai dire, on lui répond même pas. À force de ne pas lui répondre, il décide de prendre la parole en prenant en otage un surveillant. Il reprend une peine. on l'écoute toujours pas. Il reprend en otage. Là, il en est à plus de 30 ans à faire, maintenant. Il est rentré avec une peine de 8 ans. Toutes les peines qu'on lui a rajoutées, c'est des peines qui sont liées à la prison. Donc on est dans cette histoire-là, hein, systématiquement, là, en ce moment. Et là, par exemple, il est à Condé-sur-Sarthe, donc il y a une prison qui a été créée au milieu des années 2000. Parce qu'en fait, on vous a parlé des quartiers d'isolement, mais donc qu'est-ce qu'ils font avec les quartiers d'isolement donc pour ces têtes dures, ils les font tourner. Tous les ans, ils ont des transferts, ils circulent d'un quartier d'isolement d'une prison à une autre prison, ils sont tout le temps transférés comme ça, ils n'ont pas le temps de s'installer dans un quotidien, prendre des cours, etc. Enfin, c'est pas... Tout est cassé, en fait, en permanence. Et au milieu des années 2000, ils ont décidé de construire des énormes établissements qui sont des quartiers d'isolement géants, où il n'y a que ça. Donc, ils en ont construit deux, à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe. Et donc là, il avait fait une première prise d'otage au tout début de sa détention à Condé-sur-Sarthe. Donc on peut imaginer un peu les matons comme ils l'ont accueilli à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils l'ont remis là-bas. Six ans plus tard, parce que ça fait quand même... oui, c'est ça, ça fait quasiment 7 ans qu'il a l'isolement, à peu près. Hein. Quoi? Ah, c'est la 10e année. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, effectivement, là, on est... Si c'est pas une peine de mort, je sais plus trop ce qu'on appelle. Alors, évidemment, quand on écrit à Fabrice, on le voit en fait. On voit au fur et à mesure les lettres. Il y a le langage, il est vraiment atteint. Enfin, je veux dire, c'est l'isolement. Il y a des symptômes très clairs qui se dégradent. Il le sait, il décrit sa propre dégradation. C'est pour ça que les prisonniers disent eux-mêmes avant on guillotinait, on coupait le corps en deux. Maintenant, on pourrit. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a une espèce de continuité dans la déshumanisation, quoi. Entre la rue et la prison et le fond de la prison. Et je pense que dans la période qui s'ouvre, qui est une période où c'est normal, finalement, de déshumaniser tout le monde, parce que c'est à peu près ce qu'on nous dit, qu'on nous raconte tous les jours à la radio, il est bon de rappeler que vos voix, elles portent plus fort encore que celles des prisonniers. Elle porte encore plus fort. Enfin, il y a une nécessité, en fait. Même si on a toujours l'impression de se répéter. Moi, j'arrivais plus à parler au début, parce qu'on fait 4 heures de discussion par jour depuis le début de la semaine. Du coup, on a l'impression de se répéter, mais en fait, c'est une nécessité. Il faut qu'on continue à parler partout. Parce que cette parole-là, elle va être... Elle est interdite, ou elle est oubliée, ou elle est... Pour rebondir sur le côté racisme systémique au niveau des matons, au niveau des forces de l'ordre. Donc c'est que... Parce qu'on s'étonne à chaque fois, on a l'impression que chaque approche d'élection, c'est toujours le même scénario, que c'est politique, c'est député, c'est président ou autre qui s'agite et qui s'étonne que l'extrême droite monte, bah, avec le discours qui ponde tous les jours, que ce soit les ministres, que ce soit ses députés, que ce soit Macron, c'est pareil, quoi. Ils attisent la haine de l'autre. Donc aujourd'hui, on s'étonne que l'extrême droite monte, bah, c'est normal, quoi. Parce que si, au lieu de donner du crédit à des mecs comme Zemmour, qui vont faire des débats avec Mélenchon ou autre, ça veut dire quoi, finalement, ça? C'est qu'on ouvre la porte à l'extrême droite, c'est qu'on ouvre la porte à un racisme décomplexé, tout simplement. Donc, parce qu'on a pu, ils ont pu mettre au placard ou, je veux dire, liquider, entre guillemets, certaines personnes qui véhiculaient cette haine aussi. Pourquoi, aujourd'hui, on continue encore à donner du crédit à ces politiciens, fascistes ou autres, quoi? C'est surtout ça la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on ne prend pas sérieusement le cas du racisme, on ne condamne pas fermement et sérieusement le racisme et ces violences d'État? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu effectivement, là ça va être les 60 ans du massacre du 17 octobre 61. Avant 1961, il y avait encore des massacres sur des grévistes, des manifestants en Guadeloupe. À Mayotte, pareil aussi. Donc, c'est devenu un peu la nature de la France, quoi, de ce pays, de cet État, de continuer à entretenir et à enrichir ce racisme systémique. Donc ça, il faut en parler. C'est ce qui fait aussi que les violences et les crimes des forces de l'ordre s'amplifient, parce que c'est basé sur le racisme, c'est basé sur le contrôle faciès. Donc c'est surtout ça le gros problème aujourd'hui en France. Alors je suis d'accord, mais c'est aussi, c'est ce qu'on voit en prison, c'est que c'est d'abord la guerre aux pauvres. Parce que ce qu'on voit surtout, c'est que les personnes, par exemple, qui sont emprisonnées ou qui peuvent être victimes notamment de violences d'État, de violences policières, etc., c'est d'abord surtout des gens donc, qu'on prend pour des personnes racisées ou qui le sont vraiment, ou alors des personnes surtout qui... Enfin, par exemple, si je me retrouve en prison pour avoir volé, en général, j'ai pas volé pour m'amuser. Et c'est une réalité. Du coup, je pense que... Enfin, ou les gilets jaunes, par exemple, pour la plupart, c'est pas des Noirs et des Arabes, et pour autant, ils finissent en prison. Enfin, il y a... Pour moi, c'est la conjonction race-classe. Et là, genre, ça marche pas, parce qu'il y a beaucoup moins de filles en prison, et ça s'explique de plein d'autres manières. Mais, enfin, à pas oublier. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on remplit les prisons. C'est aussi une force de dissuasion pour que tout le monde continue à fermer sa gueule et à pas s'organiser. Et à penser d'abord à notre petite histoire, notre petite vie personnelle, etc., parce que c'est déjà très compliqué, et c'est de plus en plus compliqué, et de ne pas s'organiser, et pas pouvoir créer de force en face, en fait. Je tiens aussi à préciser que, justement, le réseau d'entraide Vérité Justice n'est pas rentré dans ce piège. En fait, il n'y a pas que des personnes racisées, en fait, qui font partie. Il y a aussi Jérôme Larronce, qui est un agriculteur blanc, en fait, qui a été assassiné en Saône. Il y a aussi Mélanie, qui doit être parmi Vanessa. Nous, qui a été blessée. Vanessa, excuse-moi. Il y a Vanessa. En fait, il est vrai que le réseau ne tombe pas dans ce piège. Bien sûr, à la condition que ces personnes-là ne soient pas racistes. Puisque la condition d'être évidemment dans le réseau, c'est de ne pas être raciste. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a le racisme. Si nous, on parle le racisme, surtout ce que Fatou il a dit, c'est plutôt l'État. C'est l'État qui est raciste, qui essaie de nous diviser et que nous, on est tous des humains. Parce que ce qui se passe, que ça soit en blanc, quand on dit une personne blanche, c'est plutôt une personne pauvre, comme Angelo Garin qui est mort par la police 5 balles devant ses parents. Si Angelo, c'est une personne riche, ça ne passait pas comme ça. Donc, parce que c'est une personne de gens de voyage. Et voilà. Donc, du coup, il y a, comment on dirait, les bourgeois, ce qui se passe dans les quartiers, c'est eux. On ne nous traite pas pareil. Et pourquoi ? On ne nous contrôle pas pareil. Une personne blanche, il peut avoir aussi marché pendant des années sans carte d'identité. On ne le contrôle pas. Mais nous, on nous contrôle matin, midi, soir. Moi, je me suis fait contrôler dans le métro à Rennes. J'ai mes doigts, j'ai ma carte qui est bien en jour. Mais il y avait une personne qui était avec moi qui a oublié, c'est une oubli parce qu'il a changé un sac à main. Et du coup, il a oublié son porte-monnaie dans l'autre sac à main. Et moi, j'ai pris sa parole. J'ai dit, ben écoute, il a oublié de prendre un ticket de métro. Mais c'est pas grave, nous, on vote, tu nous donnes à la main. C'est nous, moi qui dis, hein, j'ai dit... Tu nous donnes une à la main, après on va payer. Et où le problème ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont appelés la police. Ils sont venus. On m'a foutu une à la main de 200 euros. Par quelle raison ? Est-ce qu'on peut faire ça à une personne blanche ? Non. Tu ne peux pas appeler la police pour un contrôle de ticket métro. Si c'est une personne blanche, on peut le donner, bien sûr, une allemande, mais on n'appelle pas la police. Mais ils ont fait ça parce que je suis noire. Ils ont fait ça parce qu'ils ont pensé que moi, je n'ai pas de papier. Donc, du coup, bien sûr, j'ai accepté de payer cette allemande, mais j'ai fait une lettre, parce que moi, je n'ai pas peur aucune imam. J'ai fait une lettre avec cette accepté à payer cette allemande, soi-disant, vous m'obligez. Mais parce que je suis noire, parce que vous pensez que je n'ai pas de papier. Ils sont, même le contrôle, ils sont fouillés eux-mêmes. Et le sac de la personne-là, ils le jetaient par terre. Il avait un bébé, c'est pour ça que j'ai pris plus en son parole, parce qu'il avait un bébé dans sa main, qu'il a peut-être 4 ans, 3 ans, comme ça. Du coup, le bébé, il était par terre, il pleurait. Moi, je voulais prendre le bébé. La police, on m'a dit que tu ne prends pas, parce que ce n'est pas ton enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour ça qu'on parle de racisme. Mais le racisme, nous, on ne parle pas comme vous qui êtes avec nous. On est ensemble. Mais si on parle de racisme, c'est plutôt l'État. C'est l'État qui est raciste. Merci. Oui, pour rebondir, je me souviens quand il y a eu les manifestations à Gilets jaunes. Ils voulaient faire la jonction avec les quartiers populaires. Et justement, les gens du quartier populaire ont dit « C'est sûr que nous, si on est dans les manifs, ils vont nous ramasser. On sera les premiers à être ramassés. » Et effectivement, les gilets jaunes, avant, voilà, les jeunes étaient ramassés, étaient en prison. Et voilà, et toute la France disait « C'est des voyous, c'est de la racaille. » Et effectivement, les gilets jaunes vont se rendre compte avec la répression qu'ils ont subie, qu'on a subie, hein, parce qu'il y a eu plusieurs manifestations après les réformes de retraite, après les lois sur le travail, etc. Ils vont se rendre compte que c'est un monocompresseur. C'est la répression qui est là et qui, voilà, et qui nous passe dessus. Aujourd'hui, c'est les quartiers populaires. Demain, c'est les gilets jaunes. Et effectivement, les jonctions étaient compliquées à faire parce que les quartiers populaires auraient été les premiers à être, voilà, à être emprisonnés, à être inquiétés, parce que effectivement, dès qu'on voit un noir, dès qu'on voit un arabe, ben voilà, c'est déjà des voyous, c'est déjà de la racaille. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'écoute, de solidarité avec ça. Et je me rappelle un des gilets jaunes, Nicole, qui s'est même excusé. Il a compris que qu'en fait la répression, c'était pas parce que c'était des voyous, c'était parce qu'ils remettaient en cause, c'est parce qu'ils voulaient, qu'il y avait des revendications et que pour eux c'était important, c'était leur lutte, voilà. Je veux bien réagir à ça parce que c'est complètement dans mon truc. Moi je suis issue de quartier populaire, je suis née à Amiens Nord, j'y ai grandi, j'y fais grandir mes filles et je vais y crever dans ce quartier parce que j'aime mon quartier. Donc, dans les gilets jaunes, il reste des gens de quartiers populaires. Il y avait des je pense notamment aux gilets jaunes de Rungis, qui étaient très joliment colorés et qui étaient aussi super autonomes et qui faisaient des trucs de foufou, quoi. Mais je rejoins ton constat. J'ai pas de problème avec le fait de dire que la police est attirée par les jeunes, les gens de couleur, et de toute façon, ce serait mentir que le quoi, je vois pas comment on pourrait dire le contraire. Quoi si, il y en a qui y arrivent, pardon, mais moi je peux pas. Et du coup, je sais plus où j'allais, mais nous, on a subi quoi. Moi, j'ai commencé le mouvement des Gilets jaunes le 1er décembre 2018, quand le comité Adama a pris la parole pour dire « Nous, dans les quartiers populaires, ça fait 40 ans qu'on est Gilets jaunes, donc j'appelle les quartiers populaires à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes ». Donc moi, à ce moment-là, c'est là où ça me fait tilt et je dis « Ah oui, en effet, ouais, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort, et on va y aller ». Mais ce mouvement, on a été... Moi, je parle de racisme. Quoi, ça reste du racisme parce qu'ils avaient devant eux des précaires et ils le savaient qu'on était précaires. Et que du coup, on n'irait peut-être pas chercher des avocats. Là où les Gilets jaunes En fait, peut-être qu'on est plus administratif et que du coup, on est parti porter plainte beaucoup plus facilement que les jeunes de quartier populaire. Quoi, les plaintes à l'IGPN, elles ont, quoi, je ne sais plus si c'était multiplié par 10, par 20 en un an entre 2017 et 2018, mais c'était fou, quoi. Donc nous, voilà, et on avait les vidéos. Chose qu'en quartier populaire, il n'y avait pas encore ce réflexe de filmer. Aujourd'hui, ouais, de capter l'image. Et de capter le moment qui va prouver que, parce que bah, par exemple, M. Zecler, son image, aujourd'hui, il est en prison, quoi. Il faut être clair. Et un grand nombre de gilets jaunes, sans image, eh ben, ils vont pas pouvoir porter plainte ou ça va être classé sans suite. Bon, il ne faut pas dire que nos affaires sont classées sans suite de toute façon, parce que la nébuleuse IGPN blanchit tout. Alors, il y a Macron hein, qui a fait une allocution là où il nous annonce « Ouais, super, je vais mettre un nouvel organe qui sera blindé de parlementaires, qui sera avant la machine à laver IGPN. » Donc, en fait, il nous met une nouvelle machine à laver. Donc, bon, bah, ça va peut-être rendre un peu plus gris les dossiers bien noirs. Et puis après, de toute façon, il y aura quand même l'IGPN pour bien blanchir et que du coup, il n'y aura jamais d'avancée. Donc, on nous prend encore plus pour des cons. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là. Mais toujours est-il que ce putain de racisme, on... Ah oui, Flyrider. Hein. Ok. Donc Flyrider, il fait partie de ces gilets jaunes qui vivaient pas en quartier populaire et qui n'avaient pas les yeux ouverts. Et grand nombre de gilets jaunes, parce que nous, on s'est organisé sur les ronds-points. Quoi, on a recréé du lien. C'est là où la police est venue défoncer nos ronds-points d'abord. Et après, nous défoncer en manif. Mais ils ont cassé le lien social qu'il y avait entre nous et qu'on avait mis en place sur les ronds-points. Et donc, Flyrider et tous ces gens qui n'étaient pas issus de grandes villes, bon, ben, ils ont découvert les violences policières à ce moment-là. Mais c'est pas parce que... Voilà, quoi. C'est parce qu'eux, on leur donne le micro et qu'ils prennent facilement la parole. Et c'était bien aussi qu'ils le fassent et qu'ils disent pardon. C'était super. Et je sais que grand nombre de personnes étaient vachement satisfaits, mais... Quelque part, moi, ça m'a blessée parce que du coup, ça cantonne les gilets jaunes aux personnes qui ne sont pas issues de quartiers populaires. Et ouais. Moi, ben, putain, Vanessa, c'est pareil, quoi. Elle est issue des quartiers populaires, on a Xavier qui est issue de quartiers populaires. Quoi, dans les mutilés, on est quand même pas mal issus des quartiers populaires. Alors, c'est pas écrit sur nos gueules, donc je pense pas qu'ils nous ont défoncé pour ça. Mais c'est une réalité aussi. C'est pas parce qu'on le crie pas qu'on n'était pas là, que les quartiers populaires n'étaient pas dans la lutte des gilets jaunes et qu'ils ne sont pas encore aujourd'hui. Quoi. Quand on regarde les photos des gilets jaunes, tu vas avoir pas mal de personnes racisées, quoi, arabes, noirs, voilà. Quoi, c'est, voilà. Moi, je veux compléter ça juste pour aller justement derrière le mur de la prison, parce que c'est la même chose qui s'est passée à l'intérieur pour les gilets jaunes qui se sont retrouvés en prison. Donc c'est 500 officiellement, en fait, ce serait quasiment plus de 1000 personnes en fait, à l'heure actuelle qui ont fait de la prison suite au mouvement des gilets jaunes, aux différentes arrestations. Donc c'est le mouvement qui a été plus réprimé depuis des années, en fait depuis 2005, où il y avait 800, entre 800 et 1200 personnes en fonction des comptes, de plutôt jeunes, qui s'étaient fait arrêter plutôt sur 3 semaines, 1 mois. Et là, ça s'est réparti sur des années, mais on arrive, en fait, et ce score, il a été largement rejoint, quoi, entre le mouvement social des quartiers populaires, pour le coup, de 2005, et celui des gilets jaunes. Quoi. Et ce que tu dis, c'est que il y a un petit bouquin qui est sur la table là-bas aussi, qui s'appelle « Je ne pensais pas prendre du ferme ». C'est 11 récits de gilets jaunes qui sont passés par la prison. Et le titre, c'est ça, c'est « Je ne pensais pas prendre du ferme ». C'est des gens qui se disaient, la plupart, pas tous et toutes, dans le bouquin, c'est... Il disait, je pensais pas me retrouver à prendre un jour de la prison ferme et me retrouver derrière des murs d'une prison. Et la plupart des témoignages, c'est pas vrai pour tout le monde, parce que chaque situation est différente et dans chaque prison, ça n'a pas été pareil. Mais il y a beaucoup de témoignages qui convergent pour dire, à l'intérieur, on s'est fait accueillir comme des frères et comme des sœurs, en fait. Hein. On s'est fait accueillir comme des gens qui vivaient la même réalité sociale et qui la combattaient de manière différente. Et ça s'est plutôt pas mal passé, en fait, en détention entre les gens qui se retrouvaient, quand bien même ils venaient ou pas de quartiers populaires à ce moment-là, ou s'ils venaient de quartiers populaires qui étaient plus de la campagne en fait, qui n'étaient pas des grandes villes et tout, parce que c'était aussi des gens qui n'avaient pas de thunes et qui se retrouvaient à l'intérieur. Et il y a eu plein de rencontres, et je vous invite à lire en fait ces témoignages-là, parce qu'ils racontent aussi ces convergences entre des gens qui confrontent leur réalité et se rendent compte que bah, c'est quoi le point commun dans toutes ces histoires. C'est effectivement la guerre sociale, quoi. La guerre sociale qui est menée contre les pauvres, qui se manifestent et qui se regroupent avec une chasuble à un moment et qui se retrouvent avec ce gilet jaune comme étendard, mais qui se retrouvent tous les jours en prison pour des délits qui sont en fait, parce que sans même dire voyous, parce que c'était le terme qui était employé tout à l'heure, quand même, c'est important de dire. La catégorie de voyous, c'est une catégorie qui est construite juste par le droit. Hein, et le fait, et pour 80 à 90% des gens qui sont en prison, c'est pour des délits économiques. Et en fait, et ça, il faut se le dire tout le temps, parce qu'on agite tout le temps autre chose, des histoires scabreuses et des histoires horribles, pour ne pas regarder qu'est-ce que c'est. La prison, c'est le bout du bout, c'est la poubelle sociale pour l'État, et c'est un endroit de stockage des gens. Qu'on a poussé en fait dans des situations où en fait l'illégalisme est devenu le quotidien, quoi. Et ça c'est pareil, nous on l'a pas inventé, on l'a pas comment dire, c'est pas nous qui avons théorisé ça, quoi. En fait depuis 40 ans en prison, il y a des gens qui le disent, en fait, qui disent on est là parce que on est Il y a un texte qui commence le bouquin, là, qui est un texte de 2001, qui est sorti par des prisonniers de la centrale d'Arles en 2001, qui disent « Nos parents, nos grands-parents étaient de la chair à canon, et nous, on est de la chair à prison. » Et en adressant ce message aux jeunes des banlieues, aux jeunes des quartiers populaires, et à toute la France qui taffe, ou, légalement ou illégalement. Voilà. Et ils disent « Voilà, on appelle à casser cette logique-là, quoi. » Et en fait, il faut la refuser, ça veut dire qu'il faut juste déplacer son cerveau, et même... arrêter de regarder la frontière du droit comme, et de la légalité comme quelque chose qui mettrait les bons et les mauvais d'un côté, ou les bons politiques, ou les mauvais politiques, ou les mauvais délinquants de l'autre côté, quoi. Et ce mouvement, il a fait vachement de bien à ça. Il a fait vachement de bien à tout le monde à cet endroit-là. Il y a plein de gens qui ont commencé à... C'est pas seulement qu'il a changé des gilets jaunes là-dessus, c'est qu'il a aussi changé des gens de l'autre côté aussi, qui ont regardé et qui ont dit bah ouais, en fait, et voilà. Et du coup, les gens en coursive, ils se faisaient appeler, ah, c'est gilet jaune, machin, ils sortaient dans la cour, ils disaient vas-y, mets-toi au sport, parce que bon, ils faisaient pas beaucoup de sport, forcément, tout le monde. Et du coup, les gens se retrouvaient à faire du sport ensemble à l'intérieur, à discuter et à faire des trucs. Et il y a des super belles, enfin là, c'est des super belles histoires de rencontres et de solidarité, de bagarres qui naissent dans ces endroits-là, et des tas d'amitiés aussi, et des tas de complicités qui se sont fabriquées dans ces moments-là, quoi. Non, mais c'est important, c'est quand même. C'est pas que de l'écrasement, vraiment, loin de là, hein, ces histoires-là. La répression était très dure, mais elle a fait bouger aussi beaucoup de... Elle a fait péter aussi beaucoup de clivages dans les tronches, et il faut poursuivre ce truc-là. C'est ça ce qu'on doit essayer de continuer à mener au quotidien, en permanence, dans les différents rendez-vous de lutte et dans les différentes discussions, dans toutes nos pratiques et tous les endroits où on se retrouve, quoi. Continuer à péter ces fausses séparations, en fait, quoi. J'aimerais bien porter un peu la contradiction dans le débat, en apportant une autre perspective anticarcérale que celle qui est développée ici, qui n'est pas que la mienne, qui est aussi un peu plus ancienne que moi, qui date, qui n'a pas de date précise, mais qui, voilà, c'est d'autres mouvements, d'autres histoires, d'autres époques. Mais voilà, moi je pense que la lutte contre la prison, elle doit être révolutionnaire, que sinon elle est désuète et qu'elle les voue à l'échec, en gros. Et donc je pense qu'il y a des enjeux pour que cette lutte-là soit radicale, et pour en finir une bonne fois pour toutes avec toutes les prisons et le monde d'autorité et de domination qu'on connaît tous. Je pense que ces enjeux-là, ils transparaissent aussi dans la discussion. Moi j'en vois deux qui sont assez clairs. Le premier, c'est sortir des logiques de soutien, d'être simplement les relais de la parole de l'intérieur, mais de trouver des manières de lutter avec les gens réellement, et d'appuyer les émeutes, de faire des choses comme ça qui ne sont plus que du simple ordre du témoignage. Parce que là, tu disais tout à l'heure, on se répète depuis 4 heures, depuis 4 jours. Je pense que c'est plus vieux que ça, cette répétition. Je pense qu'il y en a marre de lutter pour des meilleures conditions d'exploitation et des meilleures conditions de détention. Je pense qu'il faut lutter un peu plus radicalement contre toutes les prisons. Et là, ouais, voilà, le deuxième enjeu que je vois pour un peu que cette lutte-là soit plus radicale, au-delà du coup de logique de soutien, c'est aussi toutes les logiques judiciaires qui peuvent se développer. Il y Il y a quelqu'un qui parlait de voyou tout à l'heure. Moi, je suis un voyou, j'en ai rien à foutre. Je pense qu'il y a des choses aussi à revendiquer de cet ordre-là. Et donc, voilà, sortir de ces logiques judiciaires, arrêter de jouer sur le terrain de la justice pour lutter contre les prisons, parce que c'est pas en réformant l'État, à mon avis, qu'on va pouvoir bouleverser le monde. Après, je sais pas si cette critique elle est entendable, parce que c'est assez profond et assez historique sur un bon nombre de collectifs qui sont là, justice et vérité, tout ça. Donc voilà, je sais pas ce que chacun en pense. Alors, pour moi, tu parles de théorie et nous, on parle de pratique, en fait. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de petite bagarre. Et si tu penses que c'est nul de se battre pour qu'au quartier d'isolement, on puisse avoir une chaise plutôt qu'un tabouret qui est scellé au sol et qui va peut-être durer pendant 10 ans, c'est ton problème. Mais moi, les gens que je connais à l'intérieur, ils ont besoin de ne pas avoir mal au dos. Et je ne pense pas qu'il y a de petite bagarre en prison, comme il n'y a pas de petite bagarre en général. Moi, je ne dis pas que je crois en le droit ou pas en le droit, mais moi, je ne dirais pas à l'État ce qu'il a à faire et je ne pense pas que c'est mon rôle. Pour autant, j'ai des proches à l'intérieur et j'ai besoin de relayer leurs paroles parce que sinon ils n'existent pas dans ce monde et ils disparaissent. Et du coup, ils deviennent fous en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait révolutionnaire. Donc oui, peut-être que je manque de, comment dire, d'éducation. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de discussions, notamment avec l'ECRA à l'envolée, et il se trouve qu'on n'a pas tous le même avis et qu'on est tous des personnes différentes. Mais par contre, dire aux gens ce qu'ils ont à faire, je pense que c'est un peu compliqué et que c'est bien de faire des choses avec les gens concernés pour se rendre compte de ce qui peut se faire, plutôt que de dire ce qu'il faut faire. Mais c'est que mon avis. Là, on est là pour chercher des solutions. On n'est pas là pour savoir qui pète plus haut que l'autre. C'est pas le but. Donc voilà. Donc nous, ça fait 14 ans qu'on se bat pour la vérité, la justice et la réparation. Donc 14 ans de lutte, ce n'est pas rien non plus. C'est pas 14 jours. Donc durant ces 14 années, on a tout perdu. Perdre un frère qui soit tué par les forces de l'ordre, je ne le souhaite à personne. Donc après, chacun lutte en fonction de ses possibilités, en fonction de ses moyens, en fonction de tout ça, quoi. Parce que quand ces genres de choses t'arrivent, c'est toute ta vie qui explose, quoi. À savoir au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel aussi. Donc moi, aujourd'hui, si demain, j'arrive pas à me lever pour aller au travail, je crois que je peux aller dire à mon employeur, je peux pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai rêvé, j'ai pensé à mon frère, je suis complètement anéantie, je peux le dire, ça, je ne peux pas. Donc c'est pour ça qu'on dit que là, on est là pour trouver des solutions. On sait que chaque personne lutte comme il peut, quoi. Donc aujourd'hui, on est là pour essayer de s'organiser ensemble avec les compétences des uns et des autres. On lâche rien, Wallou, on lâche rien, Wallou. Moi, juste rajouter un mot. Pour moi, il n'y a pas de frontière, en fait. Il n'y a pas de moment où... En tout cas, je suis assez incapable de déterminer, peut-être que tu peux le faire, mais moi je ne sais pas déterminer à partir de quel moment quelque chose devient révolutionnaire ou n'est pas révolutionnaire, je ne sais pas. Ensuite, ce qui nous intéresse dans la lutte, dans ces luttes-là, et ce qu'on vit dans ces histoires-là, pour moi, ce qui compte, c'est le déplacement en fait, c'est le mouvement qu'on fait les uns et les autres. Ce n'est pas dans le ciel des idées une idée radicale géniale à laquelle on va essayer de s'accrocher, qu'on tente vers quelque chose ensemble les uns les autres et qu'on essaye de faire ce chemin-là ensemble. Pour moi, c'est ça ce qui est intéressant dans ces histoires-là. Et je rejoins sur la question de la petite lutte ou de la grande lutte, tu vois. Précisément, la prison, c'est un endroit où ça ne fait que te dire ça. Ça ne fait que te dire que entre une prison qui brûle ou quelqu'un qui se bat pour avoir une fourchette pendant 3 semaines, tu peux pas faire une échelle. Il y a une échelle des peines. Il y a une échelle des peines d'un côté. On leur laisse l'échelle des peines. Hein. Nous, on fait pas une échelle de la radicalité dans ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est juste ça. J'insiste juste sur le truc de. C'est le mouvement qu'on fait. Enfin, moi, ce qui compte, c'est comment les gens se déplacent dans des histoires et comment on se déplace et comment nous, ça nous déplace aussi. Tu vois. Et cette histoire de Gilets jaunes, quand je dis qu'elle a bouleversé plein de gens, elle a fait bouger plein de gens. Et c'est ça ce qui est intéressant dans cette histoire-là. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur se méfier de révolution. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est révolutionnaire, qu'est-ce qui n'est pas révolutionnaire, etc. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur la définition que tu as donnée du point de vue anticarcéral, en disant que c'était un point de vue depuis lequel on voit la prison, la société, etc. On peut choisir de voir et qu'à ce moment-là, on comprend un certain nombre de choses et ça donne des leviers de lutte et des leviers d'intervention. Et ben, la question révolutionnaire, elle est un peu la même. C'est aussi pour ça que j'ai bien aimé ce que tu as dit. Parce que je pense que, oui, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est révolutionnaire, qu'est-ce qui n'est pas révolutionnaire, qu'est-ce qui va le devenir, qu'est-ce qui machin, etc. Mais en revanche, le point de vue révolutionnaire, c'est un point de vue à partir duquel on peut voir toutes sortes de choses qu'on peut voir aussi depuis d'autres points de vue. Mais le voir dans cette perspective-là, ça change quelque chose et ça permet peut-être de trouver aussi des leviers de lutte, des axes de lutte, etc. Et bon, les choses, elles ont été dites peut-être de manière un peu clivante parce que ben, elles sont prises ici, aujourd'hui, comme ça, mais je comprends pourquoi, enfin, sur le fond, je pense que c'est pas si absurde, enfin, ou si contradictoire que ça, parce que, par exemple, l'histoire de l'envolée, elle est liée aussi à l'histoire de collectifs de lutte contre les prisons et pour la destruction des prisons. Par exemple, au collectif pour en finir avec toutes les prisons qui a existé pendant un certain nombre d'années et réuni pas mal de gens au début de l'envolée, enfin, je ne sais pas quoi existait avant quoi, mais bref, dans la même, voilà, dans les mêmes eaux. Et je pense que ce qui était intéressant, c'était comment l'un et l'autre se nourrissaient l'un de l'autre. Et effectivement, peut-être ce qui est un peu dommage, plus dommage dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les choses semblent un peu séparées. Alors que ça bénéficie, parce que oui, il n'y a pas de petite lutte, c'est sûr, mais en revanche, n'importe quelle confrontation, refus, révolte, aussi petit soit-il, dans les prisons par exemple ou ailleurs, a son intérêt, doit être aidé, soutenu, etc. Mais en revanche, je pense que si le regard, enfin l'endroit d'où on le regarde, il contient pas aussi cette idée de vouloir en finir avec toutes les prisons. Et c'est dommage parce que ça stérilise un peu. Et du coup, ça fait revenir souvent dans le giron de points de vue qui vont valider la justice, qui vont valider le fait de devoir se justifier que un tel a vécu une histoire horrible avec la police, et que, alors qu'il n'y avait pas de raison qu'il la vive. Voilà, enfin, le fait que, enfin, des valeurs comme l'innocence ou comme voilà. Et c'est, je pense que effectivement, la question du point de vue révolutionnaire, c'est ce qui peut nous écarter de retomber dans cette espèce de norme qu'on a tous en tête parce qu'on grandit dedans et parce que la société elle est comme ça, quoi. Et du coup, ouais, cette histoire de critiquer c'est pas, enfin, moi, je pense que le rôle de l'envolée, de transmettre la parole de l'intérieur, c'est hyper important. Après, il y a des tas de manières. Enfin, je pense que c'est possible d'avancer dans des réflexions sur le rapport à en quoi on est tous concernés et tous acteurs de la lutte contre les prisons, de l'intérieur, de l'extérieur, et comment de l'intérieur, de l'extérieur, on peut prendre ça en main. Et voilà. Oui, bonjour, moi c'est Faïma. Bon, j'ai pas entendu la réflexion qu'il a faite, le monsieur, mais j'ai entendu la réponse de Fatou, donc je comprends. C'est pas la première fois que ce genre de réflexion est faite. C'est une réflexion, une idée qui est vieille comme le monde. Il y a ceux qui savent faire la révolution et ceux qui ne savent pas. Mais c'est pas en ça fait, que j'ai dit. Je coupe pas la parole, on me la coupe pas. On me la coupe pas. Déjà, premièrement, quand on parle, il faut savoir de où on parle. À partir de quelle position on parle, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire quoi être révolutionnaire? Personne n'a le truc. Et il y a un vieux débat, il y a une vieille scission. Moi je fais partie, comme Hakim qui est là, qui un ancien du MIB, moi c'était pas au MIB, c'était ailleurs, mais on est des anciens militants des quartiers populaires avec des enfants. Dans les quartiers, c'est 1 sur 2 qui finit en prison. Donc la prison ne nous l'apprend pas, la révolution ne nous l'apprend pas, la révolte ne nous l'apprend pas, d'accord? Bon, alors il y a une chose, c'est qu'on entend souvent certains qui disent « Oui, mais les comités vérité et justice, ils sont dans les quartiers, ce sont des pacificateurs. » Ça, c'est un clivage qui existe depuis 40 ans. Je ne coupe pas la parole, on ne me la coupe pas. D'accord ? Alors depuis 40 ans, c'est un clivage. C'est pas de personnes mais d'un certain type de profil de personnes qui savent ce que c'est la révolution. Ils ont passé leur vie à lire des livres, quoi. Donc nous, on ne les a pas lus, les livres. Nous, on vit ce que les autres pensent et disent, quoi. Hein. D'accord ? On vit 10 ans, 20 ans, nous, les parloirs, c'est notre vie, quoi. Hein. D'accord ? Alors, et on est seuls. En 2005, on était seuls avec nos enfants, d'accord ? Il n'y avait personne. Dans les tribunaux, on était seuls avec nos enfants. Alors moi, ça, c'est quelque chose que j'oublie pas, parce que je l'ai vécu avec ma chair. Donc, à partir de là, on est des pacificateurs. Et les autres, ils savent faire la révolution. C'est des insurrecteurs. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Les choses, elles se font par étapes. D'accord ? Quand on commande des comités vérité et justice, déjà, la première étape qu'on fait, c'est démasquer le système. Quand on va à l'école, on n'apprend pas à lire du jour au lendemain. Tout le monde n'est pas né avec des parents militants. Moi, mes parents, ils ont fait la révolution algérienne, mais ils sont analphabètes, d'accord ? Ils m'ont appris juste ce qu'ils ont vécu. Alors voilà, on ne m'a pas appris la théorie. Nous, on a mis la théorie à partir de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Et puis après, quand on commence à fréquenter les gens un peu plus instruits, on apprend qu'en fait, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris et... On sait de quoi on parle quand on reçoit une masse sur la tête du matin au soir, du soir au matin, parce que je rappelle que l'oppression spécifique des quartiers populaires, on ne vit pas plus d'oppression que les autres personnes dans la société. Mais la spécificité, c'est qu'on la vit du matin au soir, du soir au matin, et qu'on n'a plus l'intimité. On ne peut même pas fermer notre porte à clé tellement qu'on rentre chez nous comme ça, tellement qu'on a des perquisitions à tout moment, à n'importe quelle heure. On ne peut même pas avoir le sommeil tranquille. C'est ça. Hein. Alors ceux qui ont le sommeil tranquille, ne jugez pas ceux qui ne l'ont pas. Et c'est pas possible. Et on ne se permet pas. Chacun s'organise comme il peut, avec qui peut. Et les avancées se font pas à pas. On a vu concrètement, hein. Je veux dire, on voit concrètement des familles. On les suit. Et quand elles, les familles, elles ne sont pas construites. Et elles ne sont pas préparées à lutter. Elles ne sont pas préparées à avoir un enfant, un frère. Mourir. Elles ne sont pas préparées à ça. Et une oppression comme ça, eh ben ils font comme ils peuvent, avec les outils qu'on fait. Mahdi, en tout cas, Youssef Mahdi, quand il est mort en 2013, il n'y a eu personne pour soutenir cette famille qui est restée seule jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Et c'est différent quand il y a des gens autour. D'accord ? Bon, moi, je vais peut-être dire trop de trucs, mais franchement, ce truc-là, que ça continue en 2022, depuis, il y a eu 2016. On a vu une autre tranche de la société s'en prendre plein la gueule. Moi, je croyais qu'on avait évolué là-dessus. Eh bien, en fait, il faut du temps pour évoluer et pour faire les choses ensemble. On a un destin en commun à construire et ça commence par s'écouter, ça commence par se comprendre avant de juger. Et puis, celui qui subit l'oppression, et il se soulève comme il peut avec les outils qu'il a et avec les moyens qu'il a à tous les niveaux. Et à aucun moment, nous, on se doit de les juger. La première des choses, on est au service de la lutte. Stop! On est là pour semer des graines, stop, et chacun il s'organise comme il peut. Je le dis avec les colères et avec les tripes d'une daronne. Okay.